Section 47 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 47. Un vieux, par Pierre Loti. Chapitre 5. Il se souvenait d'avoir eu une femme. Cela avait duré juste un printemps. Des baisers échangés les soirs d'avril, dans le calme honnête d'un logis à deux. Il était presque un peu âgé pour un matelot, 31 ans, quand il avait pris cette jeune fille en mariage, à Port-Louis. Il y avait eu un cortège, des violons, un lendemain à Lorient. D'abord, il avait goûté cette nouveauté de l'avoir à soi, tout seul. Il avait trouvé un charme à dire « ma femme », à la promener en plein jour à son bras, à rentrer le soir avec elle dans leur petit ménage qu'il avait monté avec ses économies de campagne. Deux ou trois de ses camarades avaient fait comme lui, ce printemps-là, s'amusant aussi à jouer à l'homme marié, entre deux voyages lointains. Et on se saluait gravement quand on se rencontrait à la promenade, dans les chemins déjà verts. Et puis, quelque chose de plus profond était venu tout de suite. Il avait reporté sur elle tous ses besoins d'affection, tous ses élans de vraie tendresse, de pauvre abandonné, imaginant des caresses plus chastes, des galanteries nouvelles, redevenant doux et timide, presque comme un enfant. Un beau jour, un ordre d'embarquement sur la Pomone, 3 années à errer dans l'océan Pacifique. À son retour, elle vivait avec un vieux riche de la ville et portait des robes à falbala. Fin de la section 47, lue par Margot.